étendue d'herbes brûlées s'enflant au centre en petits mamelons. Pente douce à droite et à gauche. Derrière, la fuite et la rencontre au loin d'un ciel sans nuages et d'une plaine dénudée. Lumière aveuglante. Enterrée jusqu'au-dessus de la taille dans le mamelon, Winnie. La cinquantaine, de beau reste, bras et épaules nus, corsage très décolleté, collier de perles. À côté d'elle, à sa gauche, un grand sac noir, genre cabas, et à sa droite, une ombrelle. Derrière elle, allongée par terre, cachée par le mamelon, Willy. Réveillée par une sonnerie perçante, Winnie a commencé sa journée. Encore une journée divine. Jésus-Christ, Amen. Siècle des siècles, Amen. Commence, Winnie. Commence ta journée, Winnie. Pauvre Willy. Plus pour longtemps. Enfin, rien à faire. Petit malheur. Encore un sans remède. Aucun remède. Pauvre cher Willy. Bon sang. Bon Dieu. Enfin. Pas plus. Pas mieux, pas plus, pas de changement. Pas de douleur. Presque pas. Ça qui est merveilleux. Rien de tel. Pur. Quoi? Quoi? Eh oui. Pauvre Willy. Aucun goût pour rien, aucun but dans la vie. Bon qu'à dormir. Pauvre cher Willy. Non, merveilleux. Rien de tel, à mon avis. Je l'ai toujours dit. Que ne lui sais-je? Véritable pur. Quoi? Bientôt aveugle. Enfin. Assez vu, sans doute, depuis le temps. Quels sont ces vers merveilleux? Malheur à moi. Qui voit ce que je vois. Oui. On penserait bien. Pas si sûr. Sainte lumière. Noir plongé. Faire surface. Fournaise d'infernale lumière. Donc merveilleux, que ne lui sais-je. Enfin, peut pas me plaindre. Non, non, doit pas me plaindre. Tant de motifs de reconnaissance. Pas de douleur, presque pas. Ça qui est merveilleux, rien de tel. J'ai beau tête parfois. Garantie véritable. Quoi? Une migraine de temps en temps, ça vient, puis s'en va. Tant de bonté, de grande bonté. Prière, peut-être pas vaine. Matin, soir. Continue. Solennellement garantie, véritable, pure. Solennellement garantie. Ah, vieille chose. Vieux yeux. Continue, Winnie. Ouh ! Willy ! Donc merveilleux. Que ne l'eussais-je ? Oh, pardon. Pardon, merci. Merci, mon chéri. Mouette. On va, papy. Tant mieux, papy, pas de changement. Pas de douleur. Sois gentil, mon chéri, ne te rendors pas. Je pourrais avoir besoin de toi. Ça ne presse pas, ça ne presse pas. Seulement, ne te replotonne pas. Un peu patraque, peut-être, malgré tout. Diminution d'entrain, perte d'allant, manque d'appétit, bébé, enfant, adulte. Si, cuit, le réabouche, rase chaque jour. Le vieux style. Chaque jour, avant et après chaque repas, amélioration instantanée. Ça va mieux. Plus pour longtemps. Enfin, je ne dois pas me plaindre. Quel est ce vers admirable ? Oh, fugitive joie ! Oh, tala, lent malheur ! Enfile ton caleçon, chérie. Tu vas roussir. Non ? Ah, je vois, elle te reste de ton produit. Fais-le bien pénétrer, mon trésor. L'autre, à présent. Le beau jour encore que ça va être. Fraîche bouchette. Bouchette blémie. Monseigneur le révérendissime Père Dieu Carole Chaspeau, mort dans son tombe. Charlot Chaspeau. Je ferme les yeux et suis de nouveau assis sur ses genoux, dans le clos à Fougax et Barineuf, derrière la maison. Sous le robinier. Oh, les beaux jours de bonheur. Recherche un jeune homme vif. Mon premier bal. Mon second bal. Mon premier baiser. Un kinésie ou mécanothérapeute de Moulin. Ou du moulin. Voire de moulin, c'est encore possible. Moustache fauve, très dru. Reflet carotte. Dans un réduit de jardinier. Chez qui ? Mystère. Point de réduit de jardinier chez nous et chez lui à coup sûr. Pas l'ombre d'un réduit de jardinier. Je revois les piles de pots à fleurs. Les bottes d'échalotes. L'ombre. S'épaississant parmi les poutres. Coquet deux pièces, calme soleil. Solennellement garanti, véritable pur. Solennellement garanti, véritable pur, soit de. Soit de porc. Soit de porc. Ça que je trouve si merveilleux. Qu'il ne se passe pas de jour. Le vieux style. Presque pas. Sans quelque enrichissement du savoir. Si minime soit-il. L'enrichissement, je veux dire, pour peu qu'on s'en donne la peine. Et si pour des raisons obscures, nulle peine n'est plus possible, alors plus qu'à fermer les yeux et attendre que vienne le jour, le beau jour, où la chair fond à tant de degrés et la nuit de la lune dure tant de centaines d'heures. Ça que je trouve si réconfortant quand je perds courage et jalouse les bêtes qu'on égorge. J'espère que tu ne perds rien de... Qu'est-ce que tu tiens là, Willy? Tu permets? Ciel, mais... Mais à quoi est-ce qu'il joue? Non, mais... C'est de la véritable pure ordure. De quoi faire vomir tout être qui se respecte. Et ce troisième-là, au fond, qu'est-ce qu'il fricote? Oh, vraiment! Oh, pouah! Oh, lève-moi ça! Soie de porc. Qu'est-ce que c'est au juste un porc? Une truie, ça oui, évidemment, je sais. Mais un porc. Enfin, quelle importance. Voilà ce que je dis toujours. Ça reviendra. Ça que je trouve si merveilleux. Tout revient. Tout? Non. Pas tout. Pas tout à fait. Une partie remonte un beau jour de nulle part. Des nues. Ça que je trouve si merveilleux. Non. Non, non. Doucement, Winnie. Quoi alors? Winnie! Quelle est donc l'alternative? Quelle est donc la... Qu'en t'ai-je laissé dormir? Ah oui. Si seulement je pouvais supporter d'être seule. Je veux dire d'y aller de mon babil sans âme qui vive, qui entende. Non pas que je me fasse des illusions. Tu n'entends pas grand-chose, Willy, à Dieu le plaise. Des jours peut-être où tu n'entends rien. Mais d'autres où tu réponds. De sorte que je peux me dire à chaque moment, même lorsque tu ne réponds pas et n'entends peut-être rien. Winnie, il est des moments où tu te fais entendre. Tu ne parles pas toute seule, tout à fait. C'est-à-dire dans le désert. Chose que je n'ai jamais pu supporter, à la longue. C'est ce qui me permet de continuer, enfin, de continuer à parler, s'entend. Tandis que si tu venais à mourir, le vieux style. Ou à t'en aller en m'abandonnant. Qu'est-ce que je ferais alors? Qu'est-ce que je pourrais bien faire toute la journée? Je veux dire depuis le moment où ça sonne pour le réveil jusqu'au moment où ça sonne pour le sommeil. Simplement regarder droit devant moi, les lèvres rentrées. Plus un mot jusqu'au dernier soupir. Plus rien qui rompe le silence de ces lieux. De loin en loin un soupir dans la glace. Ouf! Un bref chapelet de rire. Des fois que d'aventure, je la trouverai encore bonne. Me suis-je coiffée? Je l'ai fait, peut-être. Normalement, je le fais. Il y a si peu qu'on puisse faire. On fait tout. Tout ce qu'on peut. Ce n'est qu'humain. Que nature humaine. Que faiblesse humaine. Faiblesse naturelle. Pas trace de peigne. Pas trace de brosse. Le peigne est là. La brosse est là. J'ai pu les rentrer après m'en être servi. Mais normalement, je ne rentre pas mes choses après m'en être servi, non. Je les laisse traîner là, ça et là, et les rentre toutes ensemble en fin de journée. Le vieux style. Le doux vieux style. Et pourtant, il me semble... semble me rappeler. Oh, tant pis, quelle importance, voilà ce que je dis toujours. C'est très simple. Je me coifferai plus tard, très simple. Le temps est à Dieu et à moi. À Dieu et à moi. Drôle de tournure. Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça peut se dire, Willy? Que son temps est à Dieu et à soi? Est-ce que tu dirais ça, Willy? Que ton temps est à Dieu et à toi? Dors! Il va me parler aujourd'hui. Oh, le beau jour encore que ça va être. Encore. Bon, voyons. Où en étais-je? Ah oui, mes cheveux. Plus tard. Ils feront bien mon affaire plus tard. J'ai mis... Oui, mis ma toque. Je ne peux pas l'enlever maintenant. Dire qu'il y a des moments où on ne peut pas enlever sa toque, dû sa vie en dépendre. Moment où on ne peut pas la mettre, moment où on ne peut pas l'enlever. Qu'autre fois, j'ai dit, mais ta toque, maintenant, Winnie, il n'y a plus que ça à faire. Enlève ta toque, Winnie, sois une grande fille, ça te fera du bien. Il ne le faisait pas. Ne le pouvait pas. Dors, tu as dit ce jour-là. Enfin seul, cheveux d'or. À tes cheveux d'or. Puissent-ils ne jamais, ne jamais, ce jour-là. Quel jour-là. Et maintenant, les mots vous lâchent. Dire qu'il est des moments où même eux vous lâchent. Pas vrai, Willy? Pas vrai, Willy? Que même les mots vous lâchent par moments? Est-ce qu'on peut bien faire alors jusqu'à ce qu'ils reviennent? Se coiffer? Si on ne l'a pas fait, ou s'il y a doute. Se curer les ongles, s'ils ont besoin d'être curés. Avec ça, on peut voir venir. C'est ça que je veux dire, c'est tout ce que je veux dire. Ça que je trouve si merveilleux. Qu'il ne se passe pas de jour, le vieux style. Presque pas, sans quelque mal. Pour un bien. Rentre dans ton trou à présent, Willy. Tu t'es exposé suffisamment. Fais comme je te dis, oui. Ne reste pas vautré là, sous ce soleil d'enfer. Rentre dans ton trou. Oh non, Willy. À la bonne heure. Mais pas la tête la première, Nigo. Oh, comment ferais-tu pour tourner? Voilà. Alors, demi-tour. Et maintenant, marche arrière. Non, oui. Oh, je sais bien, mon chéri, rampe et reculons, c'est pas de tourpeau, mais enfin, on est payé de sa peine, en fin de compte. Ton col crème. Le couvercle. Pas la tête la première, je te dis. À droite. À droite, je te dis. Et pas les fesses, bon Dieu. Maintenant, voilà. Est-ce que tu m'entends de là? Oh, je t'en supplie, Willy. Seulement oui ou non. Est-ce que tu m'entends de là? Seulement oui ou rien. Oui. Et maintenant? Oui. Et maintenant? Oui. Et maintenant? Oui. Qu'il pleure, oh mon Dieu, qu'il frémisse de honte. Tu as entendu? Oui. Quoi? Tu as entendu quoi? Qu'il frémisse. Mais de quoi? Qu'il frémisse de quoi? Qu'il frémisse. Dieu bénisse Willy de ta bonté, je sais l'effort que ça te coûte. Détends-toi, présent, repose-toi, je ne t'embêterai plus à moins d'être acculé, je veux dire à moins d'épuiser mes propres possibilités, ce qui est peu probable. Simplement te savoir là, même de m'entendre, même si en fait tu ne le fais pas, c'est tout ce qu'il me faut. Simplement te sentir là, à portée de voix, c'est tant jamais sur le qui-vive, c'est tout ce que je demande, ne rien dire, pas fait pour des oreilles. Ou susceptible de te causer de la peine, ne pas être en train d'y mettre à crédit, pour ainsi dire, sans savoir, et avec un ver qui me ronge. Le tout. avions. Oh, sans doute. Des temps viendront où je ne saurais ajouter un mot sans l'assurance que tu as entendu le dernier. Et puis d'autres, sans doute. D'autres temps où je devrais apprendre à parler toute seule. Chose que je n'ai jamais pu supporter, un tel désert. Vous regardez droit devant moi, les lèvres rentrées, à longueur de journée. Non ! Non, non. Il y a le sac, bien sûr. Il y aura toujours le sac. Oui, je suppose, même quand tu seras parti. Tu pars, Willy, n'est-ce pas ? Tu vas bientôt partir, Willy, n'est-ce pas ? Willy, tu as enlevé ton paille. Voilà qui t'a visé. Peux-tu me voir de là? Je me le demande. Je me le demande toujours. Non. Je sais bien. Il ne s'ensuit pas forcément lorsque deux êtres sont ensemble de cette façon. Parce que l'un voit l'autre, que l'autre voit l'un. La vie m'a appris ça, aussi. La vie, oui, je suppose, il n'est pas d'autre vocable. Tu pourrais me voir, Willy, tu crois, d'où tu es, si tu levais les yeux vers moi. Lève les yeux jusqu'à moi, Willy, et dis si tu peux me voir. Fais ça pour moi, je me renverse tout ce que je peux. Non. Je ne veux pas faire ça pour moi. Oh, ça ne fait rien. La terre est juste aujourd'hui. Pourvu que je ne me sois pas empâtée. Une grande chaleur, sans doute. Toutes choses en train de se dilater. Les unes davantage, les autres moins. Ah, je peux bien m'imaginer ce que tu rumines. Ah, celle-là, alors. Il ne suffisait pas d'avoir à l'entendre. Maintenant, il faut la regarder par-dessus le marché. Eh bien, c'est très compréhensible. Mais tout ce qu'il y a de plus compréhensible. On a l'air de demander pas grand-chose. Même des moments où il semble guère possible de demander moins à un semblable. Alors qu'en réalité, lorsqu'on y pense... Vois dans son cœur, vois l'autre, ce dont il a besoin, la paix, qu'on le laisse en paix. Alors, peut-être la lune, tout ce temps à quémander la lune. Qu'est-ce que je vois là? On dirait de la vie! Une fourmi! Oui, une fourmi vivante! Elle s'est sauvée. Ah, la revoilà. Elle a comme une petite balle blanche dans les bras. Elle s'est errée. Comme une petite balle blanche. Et quoi? F. Formication. Quoi? Formication. Oh, Dieu! Oh, fin, quelle joie d'entendre rire de nouveau. Oh, moi, ça, j'étais persuadée que ça ne m'arriverait, que ça ne t'arriverait plus jamais. Oh, il y aurait des gens sans doute pour nous trouver un peu irrévérencieux. Je ne crois pas. Peut-on mieux magnifier le Tout-Puissant qu'en riant avec lui de ses petites plaisanteries, surtout quand elles sont faibles? Tu seras d'accord, Willy, je pense, sur cette façon de voir. Nous sommes-nous laissés divertir par deux choses tout à fait différentes? Enfin, quelle importance, voilà ce que je dis toujours. Du moment que... Ah, tu sais, quel est ce vers merveilleux? T'as là, malheur suffit, tu m'as assez fait rire. temps, Willy, où je pouvais séduire? Fut-il jamais un temps où je pouvais séduire? Ne te méprends pas sur ma question. Je ne te demande pas si tu as été séduit. Là-dessus, nous sommes fixés. Je te demande si, à ton avis, je pouvais séduire à un moment donné. Non, tu ne peux pas. Oh, j'en conviens, il y a de quoi sécher. Tu t'es déjà bien assez dépensé. Détends-toi à présent, repose-toi, je ne t'embêterai plus. À moins d'y être acculé. Simplement te sentir là, à portée de voix, et s'étant jamais sur le demi qui vive, c'est pour moi. Oh, c'est mon coin d'azur. La journée est déjà bien avancée. Le vieux style. Cependant, il est encore un peu tôt, sans doute, pour ma chanson. Chanter trop tôt est une grave erreur, je trouve. Il y a le sac, bien sûr. Le sac. Saurais-je en énumérer le contenu? Non. Saurais-je répondre si quelque bonhomme venant à passer me demandait « Oui, mais ce grand sac noir, de quoi est-il rempli ?» Saurais-je répondre de façon exhaustive? Non, les profondeurs surtout. Qui sait quel trésor, quel réconfort. Oui, il y a le sac. Mais je m'entends dire, n'exagère pas, Winnie, avec ton sac. Profites-en, bien sûr, pour aller de l'avant quand tu es coincée, bien sûr. Mais sois prévoyante. Je m'entends dire, Winnie, sois prévoyante. Pense au moment où les mots te lâcheront. Et n'exagère pas avec ton sac. Un tout petit plongeon, peut-être. Quand même. En vitesse. Elle plonge la main dans le sac et en sort un revolver. Ah ! Encore toi ! Vieux brownie. Pas encore assez lourd pour rester au fond avec les dernières cartouches. Pensez-vous. Toujours en tête, Brownie. Tu te rappelles Brownie, Willy? Tu te rappelles l'époque où tu étais toujours à me bassiner pour que je te l'enlève? Enlève-moi ça, Willy. Enlève-moi ça avant que je mette fin à mes souffrances. Oh. Tes souffrances. Oh, c'est une consolation, sans doute, de savoir là. Mais je t'ai assez vu. Je vais te mettre dehors. Voilà ce que je vais faire, là. Tu vas vivre là à partir d'aujourd'hui. Vieux style. Et maintenant, la gravité, Willy. J'ai l'impression qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Pas toi? Oui, l'impression de plus en plus que si je n'étais tenue de cette façon, je m'en irais simplement flotter dans l'azur. Et qu'un jour, peut-être, la terre va céder, tellement s'attire. Oui, craquer tout autour et me laisser sortir. Tu n'as jamais cette sensation, Willy, d'être comme sucé. Tu n'es pas obligé de t'agripper, Willy, par moment. Willy. Sucé? Oui, mon chat. En haut, dans l'azur, comme un fil de la Vierge. Non? Jamais. Eh bien, les lois naturelles, c'est comme le reste, sans doute. Tout dépend du sujet. Tout ce que je peux dire, c'est que pour ma part, en ce qui me concerne, enfin personnellement, elles ne sont plus ce qu'elles étaient quand j'étais jeunette. Et follette. Belle. Peut-être. Jolie, en un sens, à regarder. Pardonne-moi, Willy. On a de ces bouillons de mélancolie. Enfin, quelle joie de savoir là, au moins ça, fidèle au poste. Et peut-être réveillé, peut-être à l'affût par moments. Bonjour encore pour moi, que ça aura été jusqu'ici. Quelle bénédiction que rien ne pousse. Imagine-toi si toute cette saloperie se remettait à pousser. Imagine-toi. Ah oui, de grandes bontés, de grandes... Je ne peux plus parler, pour le moment. Non, non. Ouf, je pourrais sans doute... Oui, sans doute, hisser cet engin. C'est le moment. On s'abstient. On se retient de hisser. Crainte de hisser trop tôt. Et le jour passe sans retour, sans qu'on ait hissé le moins du monde. Eh oui, si peu à dire, si peu à faire. Et la crainte si forte certains jours de se trouver à bout. Des heures devant soi, avant que ça sonne pour le sommeil. Et plus rien à dire, plus rien à faire. Que les jours passent, certains jours passent, ça sonne pour le sommeil. Et rien, ou presque rien, de dit. Et rien, ou presque rien de fait. Voilà le danger dont il faut se garer. Je transpirais abondamment, autrefois. Plus maintenant. Presque plus. La chaleur a augmenté, la transpiration diminuée. Sans que je trouve si merveilleux. La façon dont l'homme s'adapte aux conditions changeantes. Tenir en l'air fatigue le bras. Pas en marchant, seulement au repos. Voilà une observation curieuse. J'espère que tu n'as pas raté celle-là, Willy. Ça me ferait de la peine que tu rates celle-là. Je suis lasse de la tenir en l'air et je ne peux pas la déposer. La raison me dit « Dépose-la, Winnie, elle ne t'aide en rien, y attelle-toi à autre chose. » Je ne peux pas. Non. Il faut que quelque chose arrive. Dans le monde ait lieu quelque changement, moi, je ne peux pas. Willie, à moi, Willie. Ordonne-moi de la déposer, je t'obéirai sur le champ, comme je l'ai toujours fait. Par pitié. Non. Une chance que le moulin tourne. Ça que je trouve si merveilleux. Mes deux lampes, quand l'une baisse, l'autre brûle plus clair. Ah oui, de grande bonté. Oh, terre, vieille extincteur. On a déjà vu ça, faut croire. Quoique je n'en ai pas souvenance. Et toi, Willy, as-tu souvenance d'avoir déjà vu ça? Sais-tu ce qu'on vient de voir, Willy? Le coma t'a repris? Lève un doigt, mon poulet, veux-tu? Si tu n'es pas tout à fait sans connaissance, fais ça pour moi, rien que le petit doigt. Oh. Tous les cinq, tu es un ange aujourd'hui. Maintenant, je vais pouvoir continuer d'un cœur léger. Oui. Que vit-on jamais qu'on eût déjà vu? Dans ce brasier chaque jour plus féroce, n'est-il pas naturel que des choses prennent feu auxquelles ça n'était encore jamais arrivé, enfin, de cette façon, je veux dire, sans qu'on l'y mette? Moi-même, ne finirais-je pas par fondre ou brûler? Oh, je ne dis pas forcément dans les flammes, non. Simplement réduite petit à petit en cendres noires. Toute cette chair visible. D'un autre côté, ai-je jamais connu des temps tempérés? Non. Je parle de temps tempéré et de temps torride. Ce sont des mots vides. Il ne fait pas plus chaud aujourd'hui qu'hier. Il ne fera pas plus chaud demain qu'aujourd'hui. Impossible! Et ainsi de suite. À perte de vue. À perte de passé et d'avenir. Et si un jour la terre devait recouvrir mes seins, alors je n'aurais jamais vu mes seins. Personne. Jamais vu mes seins. Ça, Willy, j'espère que tu n'as pas raté ça. Ah, je serais navrée que tu rates ça. C'est pas tous les jours que j'atteins de tels sommets. Et maintenant, le visage. Ça que je trouve si merveilleux. La façon dont les choses, si merveilleux. Elle se tourne vers le sac, en sort une boîte à musique. Bonjour encore que ça aura été. Encore, Willy, encore. Peace, Willy, je t'en supplie. Non, tu ne veux pas faire ça pour moi. Eh bien, c'est très compréhensible. Très compréhensible. On ne peut pas chanter comme ça uniquement pour faire plaisir à l'autre, si cher soit-il. Non, le chant doit venir du cœur. Voilà ce que je dis toujours. Couler de source, comme le merle. Que de fois j'ai dit dans les heures noires, « Chante maintenant, Winnie, chante ta chanson, il n'y a plus que ça à faire. » Et ne le faisais pas, ne le pouvais pas. Non, comme le merle, ou l'oiseau de l'aurore, sans souci de profit, ni pour soi, ni pour autrui. Étrange sensation que quelqu'un me regarde. Je suis nette, puis flou, puis plus, puis de nouveau flou, puis de nouveau nette, ainsi de suite, allant et venant, passant et repassant, dans l'œil de quelqu'un. Étrange? Non. Ici, tout est étrange. Mais je m'entends dire, tais-toi maintenant, Winnie, un peu. Veux-tu? Ne gaspille pas tous les mots de la journée. Tais-toi et fais quelque chose, veux-tu? Pour changer. Faites quelque chose. Elle se tourne vers le sac, en sort une lime à ongles. L'image me remonte. Des abîmes. D'un monsieur Piper. D'un monsieur et peut-être d'une madame Piper. Mais non. Ils se tiennent la main. Sa fiancée, donc, plutôt, ou une simple amie très chère. Très cassant aujourd'hui. Piper. Ce nom te dit quelque chose à toi, Willy? Évoque, je veux dire, une réalité quelconque pour toi, Willy? Ne réponds pas si ça t'embête. Tu t'es déjà bien assez dépensé. Piper. Un peu plus sortable. Tiens-toi, Winnie, voilà ce que je dis toujours. Advienne que pourra, tiens-toi. Ouais. Piper. Ou Cooker. Ça serait pas plutôt Cooker? Cooker, Willy! Est-ce que Cooker soulève un voile? Cooker, Willy! Est-ce que Cooker réveille un écho? Le nom Cooker! Oh, quand même! Mais qu'est-ce que tu as fait de ton mouchoir? Oh, Willy, tu ne vas pas avaler ça! Mais jette, de grâce, jette! Enfin, ce n'est que naturel, faut croire, qu'humain. Que peut-on faire du matin au soir, jour après jour? Le vieux style. Maintenant, déjà fait celui-là. Oh, fallait mettre mes lunettes. Enfin, trop tard. Un peu plus présentable. Enfin, ce Piper Cooker, peu importe, et la femme, main dans la main, chacun une sacoche, genre fourre-tout marron, planté là à me fixer, bouche bée. Puis lui, Cooker, Piper, peu importe, à quoi qu'elle joue, dit-il. À quoi que ça rime, dit-il. Fourré jusqu'au néné dans les pissenlits. Un grossier personnage. Ça signifie quoi, dit-il. C'est censé signifier quoi, et patati, et patata. Enfin, toutes les bêtises habituelles. Tu m'entends, dit-il. Hélas, dit-elle. Comment, hélas, dit-il. Qu'est-ce que ça signifie, hélas. Et toi, dit-elle. Toi, tu rimes à quoi. Tu es censé signifier quoi. Est-ce parce que tu tiens encore debout sur tes deux panards plats, ton vieux baise en ville bourré de caca en conserve et de caleçon de rechange, me traînant d'un bout à l'autre de ce fumier de désert. Vraie harangère, digne compagne. Et lâche-moi, dit-elle, sacré nom de Dieu. Et croule. Croule. Pourquoi qu'il la déterre pas, dit-il. Allusion à toi, mon ange. Ou la déterrer, dit-il. Comme ça, elle n'a pas de sens. La déterre avec quoi, dit-elle. Les mains nues, dit-il. Je le ferai les mains nues. Devait être mariée femme. Et les voilà partis. Main dans la main. Les sacoches. Ils s'éloignent. Flou. Derniers humains à s'être fourvoyés par ici. Étrange, de tels revenants à un tel moment. Étrange? Non. Ici, tout est étrange. J'en suis reconnaissante, en tout cas. Très reconnaissante. Baissez et levez la tête. Baissez et levez. Toujours ça. Et maintenant. Il est un peu tôt, sans doute, pour s'apprêter pour la nuit. Et cependant, je le fais. Je m'apprête pour la nuit. Sentant qu'elle est proche, que ça va sonner pour le sommeil. Me disant Winnie, plus pour longtemps Winnie, ça va sonner pour le sommeil. Il arrive que je me trompe, mais pas souvent. Il arrive que tout est fini pour la journée, tout fait, tout dit, tout prêt pour la nuit, et la journée pas finie, loin d'être finie, et la nuit pas prête, loin, loin d'être prête. Mais pas souvent. Je pensais autrefois, que toutes ces choses remises dans le sac, remises trop tôt, qu'on pouvait les reprendre, le cas échéant, au besoin, ainsi de suite, remises, reprises, jusqu'à ce que ça sonne pour le sommeil. Mais non. Non, non. Ça pourrait sembler étrange. Oui, sans doute, étrange. Ce que je viens de dire. Ouais, très étrange. Si ce n'était que tout semble étrange. Très étrange. Jamais rien qui change. Et de plus en plus étrange. Plein de ton trou, mon lapin. Eh bien, je comprends ça. Ton paille. Ah, tu n'es plus le rampeur d'autrefois, pauvre chéri. Non, plus le rampeur qui conquit mon cœur. Encore un pied 6 pouces, Willy, et tu es rendu. Oh, torticolis, à force de t'admirer. Oh, mais ça vaut le coup, ça vaut 1000 fois le coup. Tu sais le rêve que je fais quelquefois. Le rêve que je fais quelquefois, Willy. Que tu viendras vivre de ce côté. Que je puisse te voir. J'en serais transformée. Méconnaissable. Ou de temps en temps. De ce côté seulement, de temps en temps. je me repaisse de toi. Mais tu ne peux pas, je sais. Je sais. Enfin, plus pour longtemps, Willy. Ça va sonner. Solennellement garanti. Comment c'était encore? Véritable pur. Solennellement garanti. Ah! Et soie de porc. Qu'est-ce que c'est au juste un porc? Qu'est-ce que c'est, Willy, un porc au juste? Je t'en supplie, Willy, qu'est-ce que c'est qu'un porc? Cochon mâle châtré, élevé au fin d'abattage. Ah, le beau jour encore que ça aura été. Encore un, malgré tout, jusqu'ici. Willy ouvre son journal. Prime rendement. Non. Non, non. Et maintenant, chante. Chante ta chanson, Winnie. Non? Alors prie. Prie ta prière, Winnie. Avantages sociaux.